Chapitre 13. La fièvre. 9 semaines durant, M. Halliburton ne quitta pas son lit. Sa femme, dévorée d'anxiété, fatiguée par ses veilles constantes, n'était plus qu'une ombre. Son corps était brisé, sa tête lourde. Avez-vous jamais connu les dépenses de la maladie? Jane les comprenait maintenant. 2 semaines encore, il était assez remis pour se traîner dans sa chambre, et déjà il était toute vie et toute animation pour reprendre ses occupations. « Jane, il faut que je me fasse faire des cartes !» s'écria-t-il un matin. « Faut-il écrire M. Edgar Halliburton, ancien professeur de classique et de mathématiques au Collège Royal de Londres, ou bien tout simplement Edgar Halliburton ? Je voudrais connaître les habitudes de cette ville. »« Attends d'être un peu plus fort avant de faire imprimer tes cartes, » répondit Jane. « Mais je puis mettre les choses en train, Jane. J'étais... »« Combien y a-t-il de temps que je suis malade ?»« 11 semaines. »« C'est juste. Nous sommes arrivés en juin et nous voici en septembre. J'ai dû négliger les leçons des enfants. Ils ont été sages et obéissants. Ils ont continué seuls leurs leçons. Si nous avons des chagrins d'un côté, nous avons de grandes bénédictions en nos enfants, Edgar. »« Je ne connais pas le genre d'ici, » reprit-il après une pause. « Et je voudrais savoir si les gens demanderont des références. » Jane, après un second silence, mets ton chapeau et va chez Madame Dare. Chez Madame Dare, répéta-t-elle. Mais je ne la connais pas. Peu importe, répliqua-t-il vivement. C'est ma cousine. Tu lui demanderas si elle consent à ce qu'on s'adresse à eux pour des références. Pearson le permettra aussi, j'en suis sûr. Vas-y, Jane. Les malades dans l'état de M. Halliburton s'invitaient à patienter. Jane, craignant de l'irriter, se disposa à sortir. Patience lui indiqua le chemin. L'habitation de M. Dare, située à l'autre bout de Helstonleigh, était une demeure somptueuse, entourée de hautes murailles et portant le nom quelque peu prétentieux de Claude Poméranie. Jane entra, traversa la vaste avenue qui longeait la pelouse et sonna. Un domestique en livrée bleue, l'épaule couverte d'aiguillettes, vint lui répondre. « Puis-je voir Madame Dare ? Qui dois-je annoncer, madame ?» Jane donna une de ses cartes de visite, tout en se demandant si ce n'était pas faire trop d'embarras. Elle fut introduite dans une pièce élégamment meublée. Madame Dare était en riche costume du matin, couverte de chaînes, de bagues et de bracelets, comme le jour où nous l'avons vue près du lit de mort de M. Cooper. « Madame Halliburton, » répétait-elle les yeux fixés sur la carte quand Jane entra, « qu'est-ce que c'est que Madame Halliburton ? » ajouta-t-elle assez impoliment en levant les yeux sur Jane. Jane expliqua, elle était la femme d'Edgar Halliburton, le cousin de Madame Dare. La présence d'esprit de Madame Dare parut subitement l'abandonner. Elle devint très pâle. Elle s'appuya contre une chaise, incapable de parler ou de cacher son agitation. Jane, étonnée, la regardait, se demandant si elle allait être mal. Elle ne tarda pas à se remettre. Elle s'assit, fit signe à Jane d'en faire autant et demanda, comme elle l'aurait fait à une étrangère, ce qu'elle lui voulait. Jane s'expliqua tout au long. Madame Dare était fort surprise. Elle ne pouvait ou ne voulait pas comprendre. Elle pâlissait et rougissait tour à tour. « Edgar Halliburton vient vivre à Helstonleigh ?» répétait-elle. « Et vous dites que vous êtes sa femme ?»« Je suis sa femme, » répondit Jane avec dignité. « Qu'est-ce qu'il compte faire en s'établissant ici ?»« Je vous demande pardon. Je croyais vous l'avoir dit. » Et Jane recommença à énumérer les raisons qui les avaient contraints à quitter Londres et à se fixer à Helstonleigh. « Vous n'auriez pu choisir un pire endroit, » dit Madame Dare, qui avait peine à cacher son ennui. « Les maîtres sont si nombreux ici qu'ils se marchent sur les talons les uns des autres. » Décourageante nouvelle, le cœur de Jane battait plus vite. « Mon mari pensait que vous et M. Dare consentiriez peut-être vous intéresser à lui. Il sait que M. Pearson... »« Non !» interrompit Madame Dare d'un ton décisif. « Par intérêt même pour Edgar Halliburton, je refuse de recommander ou de m'occuper de lui. Ce ne serait qu'entretien de fallacieuses espérances. Les professeurs sont très nombreux. Je parle des professeurs de leçons particulières. Ils n'ont pas la moitié assez à faire. Le personnel des collèges est aussi au complet. Le meilleur parti à prendre serait de vous en aller tout de suite, dans une ville plus favorable, et de ne pas vous établir ici. « Mais nous sommes déjà installés, » répliqua Jane. Une pensée frappa subitement Madame Dare. « Ce n'est pas Edgar qui a loué la petite maison de M. Ashley sur la route de Londres ? Si fait, le clerc de M. Dare nous l'a loué. » Madame Dare se mordit les lèvres. « Je suppose que votre mari est pauvre, Madame Halliburton. Nous sommes très pauvres. » « C'est généralement le cas chez les professeurs, à ce que j'ai remarqué. Eh bien, je ne puis faire qu'une réponse à votre demande. Je m'y refuse complètement. J'espère qu'Edgar ne nous reparlera plus de ce sujet. » Jane se leva. Madame Dare restait assise. Il se targuait de ses manières distinguées. « J'oubliais une question que mon mari désirait particulièrement que je vous fisse, » dit Jane en se retournant. Edgar a lu dans les journaux que son oncle, M. Cooper, était mort au commencement de l'année. S'est-il souvenu de lui sur son lit de mort et lui a-t-il envoyé quelques messages de réconciliation ? Chose étrange, Madame Dare changea de nouveau de couleur. Elle hésita en répondant « Oui, M. Cooper a bien voulu lui envoyer son pardon. Dites à mon neveu Edgar, si jamais vous le voyez, que je regrette ma dureté et que j'agirai différemment si les choses étaient à recommencer, » nous a-t-il dit. Je ne me souviens pas très exactement de ses paroles, mais en voilà le sens. Je l'aurais écrit à Edgar si j'avais su son adresse. Une lettre adressée au Collège Royal lui serait toujours parvenue. Mais il sera heureux de cette nouvelle. Il désirait aussi savoir à qui M. Cooper a laissé sa fortune, si vous voulez bien me renseigner là-dessus. » Madame Dare baissa la tête, elle joua avec son bracelet. Le testament a été déposé à l'hôtel de ville. Edgar Halliburton pourra le voir en payant un franc. La réponse n'avait rien de gracieux. Il ne peut aller à l'hôtel de ville, il n'est pas à Londres, dit Jane avec douceur. Madame Dare releva la tête d'un air de défi. Mon oncle m'a laissé toute sa fortune, à l'exception de quelques legs à ses domestiques. Qu'est-ce qu'Edgar Halliburton attendait donc ? Il n'attendait rien, quoiqu'il eût parfois l'espoir que son oncle se radoucirait et se souviendrait de lui. Non, dit Madame Dare, il s'était trop mal conduit pour cela. D'abord par son refus d'entrer dans les affaires, puis par son mariage. « Par son mariage ?» répéta Jane, et le sang monta à ses joues. « Oui, M. Cooper a été exaspéré en apprenant le mariage d'Edgar. Il trouvait qu'au point de vue pécuniaire, le mariage n'était pas fait pour son neveu. Pardonnez-moi de vous parler ainsi personnellement, mais vous avez l'air de tenir à la vérité. » La figure de Jane prenait la teinte de l'écarlate. « Il est vrai que je n'avais pas de fortune, » dit-elle. Mais je suis fille de pasteur, et j'étais bien élevée. Je suppose que mon oncle pensait qu'Edgar aurait dû épouser une héritière. Cependant, ce qui est fait est fait. Il est inutile d'en reparler. Je suis fâché que vous ayez été assez mal inspirée pour venir vous établir ici. Madame Dare se leva. Jane jusqu'alors était restée debout. Dites de ma part, Edgar, que je regrette d'apprendre sa maladie. Faites-lui bien comprendre qu'il n'y a pas à Helstonleigh la moindre chance de réussite. En souhaitant qu'il ne tarde pas à se rendre dans une ville moins encombrée de maîtres de toute espèce, je ne désire que son bien. » Elle sonna en parlant et tendit à Jane le bout de ses doigts. Le laquais ouvrit la grande porte et la reconduisit. Jane repartit, bien décidée à ne jamais remettre le pied chez Madame Dare. « Joseph !» cria Madame Dare. « Madame, si cette dame revenait, rappelez-vous que je n'y suis pas. »« Très bien, madame. » Madame Dare n'entendit pas. Elle était montée en toute hâte à sa chambre. Elle s'habilla, sortit et se dirigea vers le bureau de M. Dare. L'office était situé au bout de la ville. À la porte, sur une plaque de cuivre, on lisait « M. Dare, avoué ». Madame Dare entra dans la première pièce. « M. Dare est-il seul ? » demanda-t-elle à l'un des clercs. « Non, madame, M. Ashley est avec lui. » Mécontente de la réponse, car elle se sentait bouillir d'impatience, elle attendit quelques minutes. M. Ashley sortit. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, aux yeux noirs, aux traits réguliers, à l'air doux et bienveillant. Sa femme était une cousine de M. Dare. M. Dare était assis à son bureau quand sa femme entra. Elle était redevenue pâle et se laissa tomber sur une chaise près de lui. « Qu'a-t-il donc ? » demanda-t-il avec surprise. « Êtes-vous malade ? » ?»« Je crois que j'en mourrai, » balbutia-t-elle. « J'ai une frayeur mortelle, Anthony. » M. Dare se leva. Il allait chercher de l'eau, mais elle l'arrêta. « Attendez, écoutez-moi d'abord, Anthony. Ces Halliburton sont venus s'établir à Helstonleigh. Ils sont venus y vivre. »« Quels Halliburton ? » demanda-t-il avec étonnement. « Eux, ils comptent donner des leçons, et sa femme est venue me demander des recommandations. Naturellement, j'ai tout de suite mis arrêt. Quand on saurait que nous avons des parents pauvres dans la ville, qui gagnent leur vie en travaillant. » C'était chose fort désagréable en effet, pour ceux qui jouaient au grand seigneur de la ville. Mais ce n'était pas pour cette raison que le mari et la femme se regardaient et que la figure de M. Dare prenait son expression de hardiesse. « Elle a parlé du testament, » dit tout bas Madame Dare en regardant autour d'elle avec inquiétude, se croyant mourir de peur. M. Dare reprit courage. Il secoua le souvenir qui avait pu déranger son calme habituel et répliqua. « Quelle bêtise, Julia! Qu'y a-t-il à craindre? Le testament a été vu et légalisé. Quoi que ce soit que le vieillard nous ait marmotté à son lit de mort, il n'y a que nous qui le sachions, et même si quelqu'un d'autre que nous l'avait entendu, je m'en inquiéterais peu. Un testament est un testament, il serait illégal d'agir contre. » Madame Dare s'essuyait le front et reprenait aussi courage. « Anthony, il nous faut les faire partir de Helstonleigh. Ils habitent cette maison de M. Ashley. » Il parut surpris. « Eux ? Ah oui, le nom inscrit est bien Halliburton. Je n'avais pas songé à eux. Je voudrais savoir s'ils sont pauvres. » « Très pauvres, » leur dit la femme. « C'est cela, » fit M. Dare avec un fin sourire. « Je ne demanderai pas de loyer pour ce trimestre. Je les laisserai dépasser le terme. »« Ah, nous les ferons partir, Madame Dare, n'ayez crainte. » Il est inutile de vous dire qu'Anthony Dare et sa femme n'avaient pas suivi les dernières volontés de M. Cooper. Au moment même, ils avaient bien eu l'intention de les exécuter, mais Edgar Halliburton n'était pas là pour leur rappeler ses droits. Et quand la fortune réalisée fut déposée entre leurs mains, ils la gardèrent. Ils attendaient. Ils ne savaient où trouver Edgar et ils ne cherchaient pas à savoir son adresse. Cet argent d'ailleurs pouvait leur être utile. La moitié qui leur était dévolue servit à payer des dettes. Peu à peu, ils entamèrent la part d'Edgar et, l'eussent-ils voulu, ils n'auraient pu la rembourser. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que Madame Dare eût éprouvé une frayeur mortelle en se rencontrant face à face avec Jane Halliburton.